الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله aujourd'hui nous allons commencer lecture et l'explication du poème de Cheikh l'Islam, rahimahullah. Donc, concernant ce poème, la méthodologie que l'on va suivre sera, bismillah, de ne jamais dépasser plus de 1 ou 2 vers. En général, à chaque assise, on lira et commentera un vers, ou alors on en commentera 2 au maximum. Et ce qui est demandé pour ceux et celles qui en ont la capacité, c'est d'apprendre par cœur le ou les vers qui seront donc lus et commentés. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yasa'ili an mazhabi wa aqidati, ruziqa al-hudam lil-hidayati, is'alu. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Donc la signification en langue française de ce que l'on vient de lire, donc au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui me questionne sur ma voie et mon dogme, que soit pourvu de la guidée celui qui questionne au sujet de la guidée. Donc, ce poème, l'Amiya, c'est un poème qui a été affilié à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Puisque certains savants ont remis en question le fait qu'il serait de son appartenance. Certains savants ont remis en question le fait qu'il serait bien un poème de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, mais alhamdulillah, la vérité, c'est que ce poème a bien été écrit par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, dans la mesure où les Shouk al-Musnidin, les savants qui possèdent des chaînes de transmission qui vont jusqu'au texte, parmi les grands musnidines, comme par exemple à notre époque Abdullah al-Aqil, Cheikh al-Hanabila, qui est décédé il y a un mois ou un peu plus, rahimahullah, reconnaissait que ce texte était de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. De même, le Cheikh al-Musnid, le Muhaddith al-Iraq, Cheikh Subhi al-Samurai, de même, ainsi que Cheikh al-Musnid du Soudan, Cheikh Moussa'ed al-Bashir, tous ces mashaykhs-là font partie des grands musnidines de notre époque et sont des mashaykhs sur qui il est possible de lire et d'étudier ce texte et de recevoir de leur part l'ijaza dedans. Mais remontons plus loin dans, dans l'histoire. Ce poème a été affilié à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah de manière authentique par Cheikh Al-Alousi, grand savant de l'Irak, Al-Alousi, Cheikh Al-Salafi Al-Mu'taqad, Cheikh qui a le dogme des plus prédécesseurs, et de même parmi les savants passés qui ont attribué ce poème à Cheikh l'Islam de manière authentique, il y a celui qui a écrit donc ce qui pourrait être qualifié de commentaire de référence pour l'Aïa, c'est le Cheikh Ahmed ibn Ali al-Mardawi. Cheikh Ahmed ibn Ali al-Mardawi, al-Hanbali. Il a un livre qui s'appelle Al-Ali al-Bahiyya, qui est un charh donc de l'Ami ibn Taymiyyah. Et ce charh-là, c'est le plus ancien qui nous est parvenu. Et c'est un charh que je conseille aux frères et sœurs arabophones qui peuvent le lire, de le lire et d'en profiter. Et de même parmi les savants un peu plus proches de nous qui ont reconnu la validité de ce poème en tant que poème d'Ibn Taymiyyah, il y a Cheikh Mohamed Khalil Hamas. Cheikh Mohamed Khalil Hamas, qui était des mashayikh de l'Azhar, qui était un prof de philosophie. Comme vous le savez, les philosophes, leur grand ennemi, c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ce Cheikh Mohamed Khalil Hawass, il avait comme thème de dissertation pour sa thèse de doctorat, son sujet qu'il devait préparer pour son doctorat universitaire, c'est une réfutation à Ibn Taymiyyah. Comme vous le savez, comme on en avait parlé la dernière fois de sa biographie, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il avait le livre qui s'appelle Ar-Rad ala al-Muntaqiyyin, dans lequel il les a réfutés magistralement. Et donc Cheikh Mohamed Khalil Harras, à cette époque, il avait commencé à regrouper, à acheter différents livres de Cheikh l'Islam pour lui répondre et le réfuter. Mais au fur et à mesure de ses lectures, le Cheikh s'est rendu compte que lui, il était dans l'erreur et que l'islam authentique, c'est ce qu'il lisait dans les ouvrages de celui qu'il considérait comme son ennemi. Lui-même le disait, le reconnaissait, et il disait « Je n'ai connu l'islam que lorsque j'ai lu donc ses ouvrages ». Et donc il a modifié le titre de sa thèse et il l'a intitulé, d'ailleurs c'est un livre qui est édité, il l'a intitulé « Ibn Taymiyyah ». Al-Salafi. Et donc ce Cheikh Mohamed Khalil Harras a fourni plusieurs efforts dans la défense du dogme authentique et le combat contre l'Ashariya, puisque comme vous le savez, l'Azhar est en majorité composée de Ash'ari. Et parmi les travaux scientifiques qui nous sont parvenus de Cheikh Mohamed Khalil Harras, et qui sont importants, vous avez son charh sur l'aqidah al-wasatiyya, vous avez son tahqiq sur Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzaymah, et vous avez aussi son charh sur Qasidat al-Nawmiyya d'Ibn Qayyim. Donc, comme vous le voyez, tout ça touche à l'asma al-sifat. Donc voilà ce qui concerne l'authenticité de l'affiliation de l'Amiya à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et donc, comme on avait parlé la dernière fois, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a des livres qui sont courts au niveau de leur longueur, au niveau de leur contenance, et il a des livres qui sont beaucoup plus détaillés. Et on a dit et expliqué que l'important pour celui qui commence le chemin de l'étude de la science, c'est d'essayer d'apprendre par cœur le Mukhtasarat, les livres livres ou les textes qui sont très courts, parce que ça lui servira de base sur laquelle il va bâtir les informations qu'il va trouver emmagasinées, qui seront dans les ouvrages qui seront un peu plus longs ou un peu plus développés. Puisque comme, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait vu dans notre premier cours d'introduction sur les différents livres écrits dans l'Aqida, on avait cité les différentes étapes de la mise en place des ouvrages écrits dans l'Aqida, on avait parlé de la dernière étape qui était l'étape de ce qu'on appelle Shorohat. On avait expliqué que ce n'est pas forcément dans le sens de Shorohat del Mutun, pas forcément dans le sens de commentaire des textes de base, mais plutôt c'est des livres qui sont longs, qui font plusieurs volumes parfois, qui expliquent et détaillent un ou plusieurs points du domaine. Et ça, c'est une chose dans laquelle Cheikh Issa Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est distingué, c'est d'écrire dans des thèmes bien spécifiques des ouvrages très longs dans lesquels il détaille. Et comme on l'avait aussi souligné, il est un personnage pilier dans la science de l'Aqida, dans la mesure où tout ce qui a été écrit avant lui, il l'a pris et l'a simplifié ou bien condensé et détaillé dans ses ouvrages, et tous ceux qui sont venus après lui se sont basés sur ses travaux. Donc ça, on l'a dit, je pense à chaque fois qu'on a parlé de Cheikh Ibn Taymiyyah, on a rappelé ce point-là, mais si à chaque fois on le rappelle, c'est pour que cela soit ancré. C'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. En ce qui concerne Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, donc le poème commence comme ça: Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Donc, ô toi qui me questionne. Donc, on comprend par là que l'origine de l'écriture de ce poème, c'est que quelqu'un a questionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sur sa croyance. C'est comme vous devez sûrement le savoir, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son histoire, il est arrivé plusieurs fois que des gens bien prises de ville, bien précises, viennent le voir en lui demandant de leur écrire un livre dans le dogme authentique pour que ce soit une référence pour les gens de cette ville. Comme par exemple, ce fut le cas de l'Aqida al-Wasatiyya, ou bien l'Aqida al-Hamawiyya, ou bien l'Aqida al-Tadamuriyya, etc. Donc ces livres qui ont pour nom, mais qui ont pour base le nom d'une ville, c'est les gens de cette ville-là qui ont demandé à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah de leur écrire un livre dans le dogme authentique. Et parmi les choses qui sont ajiba, parmi les choses qui sont vraiment exceptionnelles Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est la rapidité avec laquelle il était capable d'écrire ce genre de livre qui par la suite deviendrait une référence après lui pendant des siècles et des siècles. Regardez ça, depuis le temps, par exemple, que l'Aqida al-Wasatiyya a été écrit, des années et des siècles sont passés, des centaines d'années sont passées, sans que personne n'ait fourni, sans que personne... Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez du son? Vous entendez? Non. Sans que personne n'eût fait de commentaires sur ces textes-là. Jusqu'à ce que Cheikh Mohamed El-Harras soit un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir écrit un commentaire pour l'Aqida al-Wasatiyya. Mais ce qu'il faut savoir de l'histoire de l'Aqida al-Wasatiyya, c'est que la personne qui lui a demandé, un des juges de la ville de Wasi, qui est en Irak, qui était venu voir Cheikh l'Islam à l'Asr, lui avait demandé d'écrire un livre dans le dogme authentique qui servirait de référence aux gens de sa ville. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit entre ce moment-là, donc entre le moment de l'Asr et Al-Maghrib, il lui a donné, il l'a terminé. Donc regardez, entre la période de l'Asr et Al-Maghrib, il a écrit un texte qui, après lui, jusqu'à nos jours, et encore bi'idhnillah, jusqu'à plusieurs générations après nous, et sera une référence de Ahli Sunnati wal Jama'a. Ça nous montre l'étendue de son savoir et la maîtrise qu'il avait atteint en ce qui concerne l'aqidah. Puisque pour écrire un livre tel que le Wasatiyya, les savants de notre époque ne sont pas capables de faire entre le temps de l'Asr al-Maghrib. Eux-mêmes le disent dans leurs commentaires, certains des mashayikh qui ont commenté à leurs élèves ce texte-là, disent: nous ne sommes pas capables de faire ça. Écrire un livre tel que le Wasatiyya, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Alors que lui, en ce temps très court, il était capable d'écrire ce livre qui est une référence et qui restera, bismillah, une référence pour Al-Sunnah wal-Jama'ah. Donc, Yassaili, ô toi qui me questionnes. Et le fait de questionner en ce qui concerne l'aqida, le fait de questionner quelqu'un concernant sa aqida, selon quel est son dogme, on peut le distinguer de trois manières. La première manière, c'est une personne qui va aller demander à une autre personne quelle est ta aqida, mais dans le sens de: tu es quelqu'un que je vois sur une bonne aqida et je suis vraiment très attiré par le fait que tu maîtrises ce sujet, et donc j'aimerais que tu me clarifies les positions que tu as en ce qui concerne le dogme de manière résumée, par exemple, afin que moi je puisse me servir de ça comme base pour pouvoir bien comprendre le dogme. Et donc ça, c'est la première manière. C'est le fait de questionner une personne sur sa aqida pour prendre sa réponse comme modèle à suivre. Comme par exemple, pour illustrer ça, comme dans Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim, Amr ibn Abasa, radiallahu anhu, au début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour où il marchait, il était seulement avec Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et Bilal radiallahu anhu. Amr ibn Abasa, il était venu à leur rencontre parce qu'il entendait parler de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il était attiré par cela. Et lui-même disait qu'il était parmi les gens de la Jahiliya, mais il savait qu'ils étaient laysu ala shay, il savait qu'ils étaient sur quelque chose de vain, quelque chose d'invalide. Et donc il s'était décidé d'aller le voir pour le questionner, et il lui avait dit man anta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit ana nabi, il dit qui es-tu, il dit je suis un prophète. Et ensuite il lui a dit wa man nabi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu arsalani Allah, il dit qu'est-ce qu'un prophète, il dit c'est Allah qui m'a envoyé. Et ensuite il lui a dit wa bima arsalak, et par quoi t'a-t-il, et avec quoi t'a-t-il envoyé. Donc ça, c'est ce type de question là, le premier type de question, le premier type de catégorie de questionnement au sujet de l'aqida, c'est ça, c'est de demander à la personne en question afin qu'il nous donne ces informations pour qu'on les prenne et qu'on les suive. Quand Amr radiallahu anhu l'a posé wabima arsalak, avec quoi t'a-t-il envoyé, il lui a posé cette question là afin qu'il l'informe, afin qu'il puisse suivre cela, puisqu'il savait qu'il était venu avec le haq. Ensuite, le deuxième type de personne qui peut te questionner sur ton dogme, c'est la personne qui te déteste, ou plutôt qui déteste la aqida sur laquelle tu es, et qui va te poser la question, non pas pour bénéficier de cette science que tu peux posséder en termes de dogme, comme dans le premier cas, mais plutôt pour se servir de ton argumentation, de ce que tu vas lui donner, soit pour te réfuter lui-même, soit pour prendre ce que tu vas lui donner et le donner à, et que lui le donne à un savant afin qu'il te réfute, comme ça arrive beaucoup à notre époque, quand des personnes mal intentionnées parmi les gens de l'innovation appellent un cheikh de Ahl Sunna wal Jama'a pour d'aller rapporter aux savants, à leurs savants parmi les gens de l'innovation et les savants du mal, afin qu'ils réfutent cette parole, bien que ce soit avec des arguments qui se retournent contre eux, mais le fait que ce sont des savants qui sont médiatisés, mis en place, à qui on a conféré une certaine légitimité, le fait que eux parlent et mettent en garde contre telle ou telle personne, ça va détourner les gens de la masse de cette personne-là. Et donc ça, c'est le deuxième type de personnes qui peuvent questionner sur le dogme, c'est afin de te prendre en animosité, au sujet de ton dogme et te réfuter. Et ça, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a été beaucoup victime de ça à son époque. Car ses ennemis parmi l'Asha'ira, Ahl al-Kalam et autres, utilisaient, aller le questionner concernant des points bien précis, pour ensuite aller rapporter ça, par exemple, pour rapporter ça aux autorités de l'époque, afin de pouvoir supprimer la droite de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est pour cela qu'il a été plusieurs fois en prison, et même qu'il est mort en prison, puisque ses ennemis, toujours, essayaient de le faire tomber, essayaient d'aller sa da'wah, en allant lui poser des questions bien précises, sur des points bien précis, afin d'aller ensuite se plaindre d'une façon injuste, et d'une façon rusée auprès des autorités de l'époque pour que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah soit enfermé. Et il y a aussi un troisième type de questionneur, c'est celui qui est ignorant, mais qui est vraiment, c'est celui qui est totalement ignorant, qui ne connaît pas du tout, qui ne s'y connaît pas du tout, et qui va venir te voir et qui va te demander, en fait c'est comme une orientation, il va te dire quelle est ta aqida, afin que tu m'orientes, que tu me montres c'est quoi qu'il faut suivre, parce que moi je suis perdu, je sais pas, je vois ici on me dit Salafi, on me dit Ash'ari, on me dit Sofi, on me dit Shi'i, etc. Moi je sais pas quoi suivre. Toi, tu es quelqu'un que je vois qui fréquente la mosquée, qui est droit, qui est sérieux. Quel est le dogme qu'il faut suivre? Voilà, ça c'est le troisième type de questionnaire, celui qui est totalement ignorant et qui te demande cela par conseil et par recherche de l'orientation. Donc ça, c'est les trois types de personnes qui peuvent donc te questionner au sujet de ton dogme. Et le fait de questionner, que ce soit sur le dogme ou même sur d'autres points religieux, c'est quelque chose qui offre beaucoup de fawa'id et qui offre beaucoup de bénéfices. Car il y a une règle chez les gens de science, qui est que la science, ou plutôt que le questionnement, c'est ce qui permet, c'est une clé qui permet d'obtenir la science. C'est une clé qui ouvre les portes de la science. Parce que par exemple, vous avez celui qui est timide ou bien celui qui est orgueilleux, lors des assises de sciences avec les savants, il ne posera jamais de questions. Ça va faire, vous allez le trouver, ça fait des années qu'il est assis dans Halaqat al-Ilm, qu'il est assis dans les assises de sciences avec les savants, mais pendant ce nombre d'années, il n'a jamais posé une question. Pourquoi ? Soit parce qu'il était trop timide, soit parce qu'il était orgueilleux. Quand on dit qu'il était orgueilleux, c'est soit parce que, quand c'est le cas de ce qu'on appelle l'Aqaran, les personnes de même degré, puisque dans les assises des chouyours, vous pouvez trouver d'autres chouyours qui sont là pour profiter aussi d'eux, mais du fait qu'ils ne veulent pas se rabaisser devant cette personne-là, parce que, par exemple, il a été réfuté par lui dans certains points, ou bien il y a entre eux une discorde d'ordre personnel ou autre, il ne voudra pas poser de questions à ce cheikh pour ne pas se rabaisser devant lui, par exemple. Ou alors, ça peut être parmi les élèves, la personne sera orgueilleuse et ne voudra pas poser la question, parce que, par exemple, une fois, ça peut lui être arrivé d'avoir posé une question, et sa question, elle a fait rire l'assemblée, ou alors ses compagnons se sont moqués de lui par rapport à ce qu'il a posé comme question, et cela ne lui plaît pas, et par orgueil, il ne posera plus de questions. Alors qu'on sait que, comme c'est venu dans le hadith authentique, le prophète sallam a dit dans le sens du hadith en langue française, il y a deux personnes qui n'apprendront pas la science, qui n'apprendront jamais la science, le timide et l'orgueilleux. Et de même que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand on lui avait posé la question concernant le fait d'où détenait-il toute cette science qu'il avait, il avait répondu que cela provenait du fait qu'il avait une langue qui questionnait beaucoup. Une langue qui questionnait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de très important, le fait de poser des questions pour pouvoir concevoir les choses comme il faut. Puisque la personne qui va être assise avec un savant dans un cours de aqidah ou même d'une autre matière, certains points qui vont être disséqués de manière purement théorique dans le cours vont lui sembler difficile à s'appliquer sur des cas concrets dans ce qui concerne l'actualité ou autre. Personne, cet élève ne pose pas, alors il restera toujours bloqué dans son évolution, il restera toujours bloqué dans son évolution, car il ne pourra pas voir les réponses provenant de celui qui lui a donné la base même de cette science. Quand je dis la base, c'est-à-dire en lui ayant posé les fondements théoriques, le fait de ne pas avoir posé les questions l'empêchera de saisir l'application sur loi, sur les moments précis de l'époque où il vit, de ces choses qui lui auraient été exposées théoriquement. Et le fait de poser les questions, bien sûr, ça, il y a tout un comportement qui découle. Il y a tout un comportement qui découle de cela, comment poser les questions. D'ailleurs, dans les livres de... D'ailleurs, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par les savants en ce qui concerne l'adab shar'i. Et dans certains de ces livres, il y a une histoire qui est mentionnée avec l'imam Abu Hanifa. Après, cette histoire, est-ce qu'elle est authentique ou c'est juste une une histoire qui a été propagée par les gens alors qu'elle n'a jamais eu lieu. Allahu a'lam. Ala kulli hal, elle est mentionnée dans les livres de Adab. C'est Ibn Abu Hanifa, Abu Hanifa l'imam, il était dans sa mosquée et il était en train d'enseigner à ses élèves. Et la manière dont il était assis, c'est qu'il avait les jambes, les pieds, en fait il avait ses jambes qui étaient étendues. Il avait ses jambes qui étaient étendues. Jusqu'à ce qu'à un moment, un homme rentre dans sa mosquée, et cet homme-là, il avait une très belle apparence et qui laissait éclater de lui le fait qu'il était un étudiant en sciences religieuses. Il avait une apparence d'un étudiant en sciences religieuses distingué. Et quand l'imam Abu Hanifa, il l'a vu rentrer avec cette apparence-là, il a été touché, il a été marqué par cela. Il pensait qu'un étudiant en sciences de rang prestigieux était rentré, donc il avait ramassé ses jambes, et s'était assis d'une manière un peu moins amicale, plus sérieuse. Et donc, il a continué son cours en ayant les jambes donc, qui s'est croisées, comme donc, assis en tailleur, comme cela est la position traditionnelle dans les assises de science. Et ensuite, donc, d'après la question quand ce fut le moment des questions, donc d'après la question que lui avait posée cet étudiant en sciences, cela peut laisser présager, cela peut laisser comprendre que l'imam Abu Hanifa parlait de Ahkam Siyam, que le cours qu'il faisait était sur Ahkam Siyam. Et donc cet élève lui a posé quoi comme question? Il lui a dit, oh Abu Hanifa, quel est ton avis si le mois de Ramadan se produit pendant la période du Hajj? Que doivent faire les gens? Que doivent faire les gens si le mois de Ramadan tombe pendant la période du Hajj? Donc, ou quelque chose comme ça. Donc quand j'ai posé cette question là, Abu Hanifa, il a compris que en réalité, c'est l'apparence de cet homme qui lui avait fait peur, qui lui avait fait ramasser ses jambes, etc. C'était juste une apparence. En réalité, il n'y avait rien. Et donc, quand il a posé cette question-là, l'imam Abu Hanifa, et il a dit, maintenant, Abu Hanifa peut retendre ses jambes. Maintenant, Abu Hanifa peut retendre ses jambes. Maintenant, Abu Hanifa peut retendre ses jambes. Voilà ce qu'il lui a répondu. Quand il lui a posé cette question, il lui a répondu, maintenant Abu Hanifa peut retendre ses jambes. Donc pourquoi cette anecdote-là? C'est pour parler du comportement de quand on pose quand on se présente dans les salons et comment leur poser nos questions. Comme vous le savez, dans certains pays, les savants sont distingués des autres par un vêtement un vêtement spécial, c'est-à-dire un vêtement que seuls les savants ou les étudiants en sciences d'un certain degré les portent. C'est la coutume dans cet endroit-là que seuls les gens de science portent ces vêtements-là. Donc, si toi tu es un débutant, ne t'habille pas de cette façon-là pour aller faire peur au chir, comme l'a fait cet étudiant avec l'imam Abu Hanifa. Se présenter, bien sûr, de manière convenable au niveau de son apparence, mais ne pas tromper les gens de science en se vêtissant d'une manière, si on se trouve dans un pays ou un endroit où il y a un code vestimentaire en ce qui concerne les grands étudiants en sciences et les savants ne pas se dire de cette manière-là si on n'en fait pas partie. Et ensuite, en ce qui concerne la manière de poser la question, il faut savoir que le questionnement, les types de questionnement se divisent en plusieurs catégories. Par exemple, il y a le questionnement qui est obligatoire. Le questionnement qui est obligatoire. Donc, bon, là, l'exemple que je vais donner, c'est pour que ça soit parlant. Je ne vais pas donner un exemple qui est forcément dans la Aqida, mais c'est un type de questionnement obligatoire, bien que nous parlons de l'Aqida, puisque le poème commence par Yassa'il an mazhabi wa aqidati, questionne sur le dogme. Mais même de manière générale, celui qui questionne sur quelque chose d'obligatoire, ça peut être sur autre que l'Aqida. Par exemple, la personne qui va arriver dans une nouvelle ville, la personne qui va déménager, qui va emménager dans une ville inconnue, et il ne sait pas où est la Qibla pour faire sa prière. Est-ce que cette personne-là, il lui est permis de faire un effort d'interprétation pour trouver le sens de la Qibla, ou alors cela lui sera suffisant s'il s'est trompé dans la recherche de la Qibla, ou alors il doit poser la question aux personnes de cette ville-là. La réponse, c'est que la personne doit poser la question aux gens de cet endroit où il vient d'emménager, puisqu'ils ont le fait de faire la prière en direction de la Qibla. C'est parmi les conditions de la prière, et que n'importe quelle personne à qui il posera cette question pourra avoir la réponse. Or, il n'a pas à faire d'efforts de recherche au point qu'il y ait une probabilité qu'il se trompe dans le sens. Ensuite, il y a les questions d'ordre mustahab, les questions qui sont mustahabas, c'est-à-dire, c'est pas dans les choses qui sont obligées. Donc, les questions qui sont obligatoires, c'est celles qui touchent ce que nul d'entre nous n'est en droit d'ignorer. Ce que nul d'entre nous n'est en droit d'ignorer. Ensuite, ce qui est au-delà de ça, ça va rentrer dans le questionnement qui est mustahab. Un questionnement qui est mustahab, qui est recommandé. Donc, pour celui qui veut évoluer, qui est dans une perspective de parler de l'ilm. Ensuite, il y a le questionnement d'ordre permis, le mubah, ce qui est permis en soi, questionner sur quelque chose qui est permis en soi, comme par exemple arriver dans une ville précise et demander aux gens où se trouve telle mosquée, ou alors où se trouve tel chir ou habite tel chir, etc. Ça, c'est des questions qui rentrent dans le mubah. Et par contre, en ce qui concerne la religion, il y a aussi des questions qui sont d'ordre interdit. Et il y a même, en ce qui concerne l'aqida, un exemple qui est très célèbre, c'est l'histoire de l'homme qui était venu voir l'imam Malik. La personne qui était venue voir Malik, rahimahullah, et qui l'avait questionné concernant le verset « Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa »« Kifastawa » Il était venu le voir, il dit « Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône, comment s'est-il établi ?» Et lorsque l'imam Malik, rahimahullah, il avait été questionné de cette manière, il avait changé de couleur, et son front s'était rempli de sueur. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, l'imam Malik, rahimahullah? Il lui a répondu donc la célèbre réponse, l'istiwa ma'loum, wal kayf majhoul, wal iman bihi wajib, wal su'al anhu bid'ah. Ensuite, il a ordonné, et ensuite, non, il a dit, wa ma arak illa mubtadi'a. Et ensuite, il a ordonné qu'on le fasse sortir de la ville. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il avait répondu, l'établissement, quelque chose de connu, c'est-à-dire dans la langue arabe, c'est l'istiwa dans la langue arabe, c'est quelque chose que l'on connaît, Le comment, c'est quelque chose qu'on ignore, c'est propre à l'essence divine et la conception humaine n'est pas capable de saisir ce qui est d'ordre divin. Donc il lui a répondu, le comment est inconnu, il met du roule. Et avoir foi en cela, avoir foi au fait que Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône, c'est obligatoire. Et poser ce type de questionnement-là, c'est quelque chose qui est une innovation. Et je ne vois que tu n'es qu'une personne de l'innovation. Et il a ordonné à ses élèves de le faire sortir, de le virer de son assise. Pourquoi ? Parce que c'est ce genre de questions-là qui sont interdites, et c'est ce genre de questions-là qui, lorsqu'elles ont lieu dans des assises, elles risquent d'ouvrir la porte aux ambiguïtés aux gens qui sont assis dans ce cours-là. Puisque dans une assise de science, il y a différents niveaux qui sont présents, et ce genre de questions-là qui sont à première vue innocentes, elles peuvent jeter le doute dans le cœur de certains des personnes assises. C'est pour cela que les salafs, à leur exemple, le célèbre tabiri Mohamed ibn Sirin, lorsqu'un innovateur voulait lui parler, il refusait de l'écouter, même plus quand l'innovateur lui disait « Laisse-moi juste réciter un verset », il disait même pas la moitié. Ses élèves s'étonnaient de cela, puisqu'ils lui ont dit comment lui refuser d'écouter sa récitation du Coran, d'un verset du Coran. C'est le Coran, il ne peut pas le déformer. Et Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, il leur répondait, et parce que j'ai peur que juste par le fait qu'il va le réciter d'une certaine manière, ça créera quelque chose dans mon cœur, c'est-à-dire ça ouvrira une brèche dans mon cœur pour qu'ensuite, par la suite, il puisse y faire rentrer ces ambiguïtés et propager dans mon cœur donc le poison. Donc ça, c'est pas la parole exacte qu'il a donnée, mais c'est ce qui est voulu par la parole qu'il a donnée. J'ai pas cité la parole exacte, mais le sens. Donc voilà, ça c'est le type de réponses, de questions qui sont interdites. C'est le type de questions qui sont interdites dans la religion. Donc voilà en ce qui concerne Yassa'ili. Et donc, Su'al dans l'aura. Donc, c'est Sa'ala Yassa'alu Su'alan. Ça, c'est les ces trois formes. Ça vient de là, le Su'al. Sa'ala yas'alu su'alan. Et quand on dit pour quelqu'un sa'altuhu an shay, ça veut dire istakhbartuhu. Ça veut dire je lui ai demandé une information concernant cette chose. C'est le fait de demander une information. Et aussi parmi les autres sens que cela peut avoir dans la langue, c'est at-talab. As-su'al, il peut avoir comme sens à parler. Donc comme, et d'ailleurs c'est ce qui est apparent ici dans le vers, quand la personne l'a questionné, le sens du su'al c'est à parler. Su'al parler, c'est une demande, une requête. Donc une requête auprès de Cheikh l'Islam pour qu'il l'informe en ce qui concerne sa aqida et son madhhab. Donc voilà en ce qui concerne cette partie-là. Yassa'il. Donc, an madhhabi wa aqidati. Donc, le madhhab, c'est quoi le madhhab? Donc, le madhhab de manière générale, quand on parle de madhhab, à notre époque aujourd'hui, quand on dit c'est quoi le madhhab, quel est ton madhhab, c'est dans le sens de le furu', c'est dans le sens de le follow, dans les branches, c'est-à-dire dans les actes d'adoration, dans le fiqh. Est-ce que quand on va questionner quelqu'un sur son mazhab, est-ce que tu es Hanafi, bien Shafi'i, Maliki, Hanbali? Mais aslan, la base, le mazhab, quand on parle de le mazhab, c'est la même chose que l'aqida, c'est-à-dire ton mazhab dans au sol, dans les fondements même de la religion, au niveau du dogme. Donc ici, quand il y a ça, il y a al-mazhabi wa aqidati, al-mazhab, il a le même sens que l'aqida. Ici, le sens, il est le même pour le mazhab ou l'aqida. D'ailleurs, dans une des versions du poème, c'est yasa'ili al-manhaji wa aqidati. Yasa'ili al-manhaji wa aqidati, dans une des versions. Donc le mazhab ici, c'est dans le sens de manhaj, dans le sens de mutaqad. Sinon, au niveau de mazhab, comme on l'avait expliqué, Cheikh Issam Ibn Taymiyyah, il a vécu dans une famille de mazhab Hanbali. Il a commencé ses études dans le fiqh, donc dans ce mazhab-là. Et il a évolué à tous les échelons dans ce mazhab-là, au point ensuite qu'il est devenu mujtahid. Il est devenu mujtahid en ce qui concerne le fiqh, c'est-à-dire qu'il avait une parfaite connaissance de tous les mazhab et qu'il était capable lui-même, à partir du Coran et de la Sunna, et des paroles des compagnons et des salafs, de choisir ce qui était le plus correct, ce qui était le plus correct au vu des textes. D'ailleurs, en ce qui concerne les choix dans le fiqh de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, vous avez le livre de l'imam al-Ba'ali, al-Hanbali, donc l'imam al-Ba'ali al-Hanbali, qui a un livre qui s'appelle Ikhtiyarat Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ikhtiyarat Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Sinon, vous avez aussi une manzouma, un poème de Cheikh Sulayman Ibn Sahman. Cheikh Sulayman Ibn Sahman, il a un poème qui s'appelle Nazm Ikhtiyarat Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est un poème en 126 vers. Un poème en 126 vers dans lequel il a rapporté les avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le fiqh. De même, Cheikh Sulayman Ibn Sahman, il a aussi un poème, ou un peu plus d'une cinquantaine de vers, sur ce sur Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il s'est singularisé des quatre écoles, des avis qu'il a eu lui, mais qui ne se trouvaient dans aucune des quatre écoles. Donc, Man Farada Bihi, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Anil A'immati al-Arba'a. Et c'est pareil, donc c'est un poème aussi de Cheikh Sulayman Ibn Sahman. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent parmi les arabophones, si vous pouvez donc, lire ces mangomates, c'est un kafir. Donc voilà, ce qui concerne le mazhab, concernant sa aqida, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il était donc sur le mu'aqad de Salaf Salih, comme on l'avait déjà évoqué dans sa biographie. Donc il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. De même, concernant la définition lughatan wa istilahan de l'aqida, donc on avait vu ça aussi dans nos cours d'introduction. Ensuite, donc, il continue en disant « Ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu » Donc, que soit pourvu de la guidée, c'est lui qui demande au sujet de la guidée. Et donc là, cette partie-là, c'est une invocation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, pour le questionneur. C'est une invocation pour le questionneur. Et comme vous le savez, comme on l'avait aussi évoqué en introduction, parmi le comportement du professeur envers son élève, c'est que la relation entre le professeur et l'élève, elle est basée sur la miséricorde. Et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup parmi les savants dans leurs écrits pour leurs élèves, ou bien même pour la masse des musulmans, ils font des doigts pour eux, comme dans les livres de Cheikh l'Islam Ibn Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, I'alam rahimakallah, I'alam arshadakallah, et ta'atih, et ta'atihi, علمني الله وإياك, etc. parmi les invocations qu'on trouve dans ces textes. Et ici, Cheikh Issa Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est aussi sur cette voie, et c'est tous les savants de Ahl Sunna wal Jama'a qui sont sur cette voie-là, car comme lui-même disait Cheikh Issa Ibn Taymiyyah rahimahullah, en ce qui concerne Ahl Sunna, il disait qu'ils étaient a'lam a'lam al-nas bil haqq, a'lam al-nas bil haqq. Ahl Sunna, ils sont les plus savants des gens en ce qui concerne la vérité, wa arham al-nas bil khalq, et ils sont les plus miséricordieux des gens envers la création. Et comme on l'avait vu aussi, on avait vu que le shaykh, quand il commence son enseignement à ses élèves, le premier cours, la première halqa, elle est sur hadith al-musalsal bil-awwaliyya ou al-hadith al-musalsal bil-rahma, par lequel nous-mêmes on avait commencé notre programme. الحديث الرحيمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Donc il n'y a pas besoin de redétailler, il n'y a pas besoin de redétailler là-dessus, puisqu'on l'avait déjà vu. Et donc inchallah on s'arrêtera à cela. Donc aujourd'hui on a fait le premier vers, يا سائل عن مذهبي وعقيدتي لزق الهدى من الهداية يسأل. Donc بإذن الله à apprendre pour la prochaine fois, pour ceux qui le peuvent. Et bien là, tout le monde est capable de le faire, c'est juste un vers, toute une semaine, 7 jours, pour apprendre. C'est dans notre capacité à tous. Donc, barakallahu fikoum jami'an, pour votre écoute et votre comportement. Et inchallah, je vous dis à dimanche prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.